ta vie tout s'écroule. Et toi tu n'y peux rien changer. Bascule et soudain sur une autre route. Je te prends la main et tu doutes. Parce que toutes ces habitudes moches qui nous font vivre les mains dans les poches. Viens dans ma vie, viens aujourd'hui, on verra bien. C'est dans ce monde où tout autour, c'est dans ce monde et sans détour. Parce qu'il descend un peu, viens voir ici. Il y a du monde qui court, parce qu'il fait toi une place, il joue des coudes. Dépêche-toi, car c'est ton tour. Viens dans ma vie, viens aujourd'hui, on verra bien. Viens dans ma vie, viens voir aussi. On s'y sent bien. Prends cette route et suis la lune. Prends ce chemin, cherche fortune. Bascule dans un autre monde parallèle. Ferme les yeux, déploie tes ailes. Bouscule toutes ces théories homologuées, tous ces abrutis très distingués. Viens dans ma vie, viens aujourd'hui. Sans aucun doute, bouscule tout simplement en arrière. Pose la tête et prends ma main. Bouscule, tu sais, y'a qu'à dire, y'a qu'à faire. Tous ces gens qui te prennent la tête. Viens dans ma vie, viens aujourd'hui, on verra bien. Demain, viens dans ma vie, viens voir aussi, on s'y sent bien. Cette enveloppe, je suis sincère. Parce que viens dans ma vie, parce que viens aujourd'hui. Parce que viens dans ma vie, parce que viens voir ici. Viens dans ma vie, viens aujourd'hui, on verra bien. Viens dans ma vie, viens voir aussi. On s'y sent bien.